Nous sommes lundi 17 août 2020. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être au rendez-vous de ce journal, la grande édition de cette mi-journée. Voici d'abord l'essentiel. L'ombudsman burundais exhorte les victimes des inondations survenues au quartier Winhelekwa de quitter les lieux et d'aller chercher des maisons à louer ailleurs. C'était dans une visite qu'il a effectuée ce lundi dans cette localité. Un agent de la police est mort, un autre grièvement blessé ce matin suite à des tirs de fusil de la part de leurs collègues. Le commissariat provincial à Kayanza précise que les présumés auteurs sont déjà appréhendés pour enquêter. Abubanza, un garçon de 7 ans, est sous les verrous accusé de viol. Notre correspondante Espèce Caritas Cabagnana nous le dira. Nous sommes lundi, vous en êtes habitués. Nous vous proposons également la chronique sportive. Aujourd'hui, elle sera centrée sur l'organisation des compétitions dans les établissements universitaires. Eli Kadogo assure la mise en onde et Mère Richard Nyonghuru suit à la présentation. Rebonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Le mouvement des patriotes humanistes plaide pour le rapatriement inconditionnel des réfugiés burundais se trouvant dans différents pays. Nick Paul Casimir Nichayenzi l'a déclaré ce lundi dans une conférence de presse sur le 30e anniversaire de la commémoration de la mort du Palipehut. Tout solidaire du MPH demande que les restes de Gahutu Rémy soient rapatriés. Selon lui, pour la bonne marche de ce travail, il faut mettre en place une commission ad hoc provenant de différentes institutions, dont la CVR. Suivez. Concernant le rapatriement, nous allons saisir immédiatement les instances de la République pour créer une commission ad hoc pour cette action, composée d'un membre de la famille, un membre du MPH, un membre du Palipe Agakiza, deux membres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Là, je pense à la sécurité publique d'un côté et à l'administration du territoire d'un autre côté, ou la formation patriotique. En tout cas, dans ce ministère-là, deux membres. Un membre du ministère des Relations extérieures et de la coopération, deux membres de la présidence, un membre de l'Église catholique, un membre de la commission Vérité et Réconciliation. Il faut aussi qu'il y ait une stabilité sécuritaire. Les réfugiés doivent rentrer au pays, même s'ils ont commis certaines erreurs sur leur trajectoire de lutte. En Europe, il y a eu des bavures, il y a eu des morts, il y a eu des tueries. Mais à un moment donné, ils se sont retrouvés à Caux, en Suisse, pour dire « Mais, chers amis, est-ce qu'on va continuer à faire des choses pareilles ?» Mais il faut arrêter ces trucs-là et puis commencer à penser au développement durable. Il n'y a pas de salut dans la haine. Il faut pouvoir changer ces mentalités-là. Et je souhaite vraiment que tous les réfugiés rentrent au Burundi et qu'ils vivent paisiblement. Ce sont des patriotes, ce sont des compatriotes burundais, ce sont nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos voisins. Et pourquoi mettre des conditions pour un patriote qui rentre au pays? Concernant le cadre de concertation et de réflexion, j'ai dit tout de même que chaque parti pourrait garder son statut, mais quand même qu'il y ait un cadre de collaboration, de réflexion, d'échange, puisque nous émanons de la même idéologie. Mais tant que l'objectif n'est pas clair, aucune alliance ne saura ou ne peut avoir de sens. Il faut nous mettre ensemble ou réfléchir plutôt sur un objectif de développement du pays. Nick Paul Casimir Nichayenzi, dont les propos ont été recueillis par notre confrère Eli Nibel Nibigira. SOS à présent, 8 500 $ américains est la somme nécessaire pour faire soigner une fillette de 2 ans née avec une malformation du sexe. Sa mère précise que suite à cette maladie, les urines coulent à tout mouvement. Elle demande aux âmes charitables de lui venir en aide pour sauver la vie de cette fillette. On est là mucho. Francesca Uineza est une fillette âgée de 2 ans souffrant de l'hystrophie vésicale, c'est-à-dire une malformation du sexe. En regardant cet organe génital, elle remarque une déformation du vagin situé en dessous du nombril et ce dernier est également déformé. Sa mère, Azama Sayumana, révèle que l'enfant fait des fuites urinaires à tout moment suite à cette maladie. Et ma fille, maman, elle est malade et elle a une malformation. Donc, elle fait des efforts pour faire un grand besoin et les petites besoins sortent tout le temps. et fait savoir que l'enfant a été soigné, mais en vain. Selon elle et le rapport médical, l'enfant doit être transféré à l'étranger pour des soins non disponibles au Burundi. Elle a besoin de 1 800 $ américains. J'ai déjà essayé de les soigner, mais les médecins ont dit qu'ils ne peuvent pas soigner ma fille ici au Burundi. C'est pour cela alors que je suis ici à la radio. Je demande à notre président de la République et à d'autres bienfaiteurs qui nous écoutent de nous venir en aide pour sauver la vie de ma fille. C'est lui ou celle qui voudrait contribuer financièrement pour sauver la vie de cette fillette peut contacter la radio Sanganiro. Ornella Mucho, je vous le disais en titre, l'ombudsman de Burundi exhorte les victimes des inondations survenues au quartier Uwinherekwa de quitter les lieux qu'elles occupent et aller louer des maisons pour ceux qui sont capables. Lors de sa visite dans cette localité, Edouard Ndouimana leur a indiqué que l'assistance du gouvernement leur parviendra incessamment. Il a poursuivi sa visite à Maranvia, où vivent les victimes des inondations de Gatumba, qui ont aussi reçu une aide composée des vivres suivis. Kwa shaka rero kubabwira yuko iki kibazo cyanyu cyo ngaha muri site twifuza yuko cyohera kandi kigahera. Nous voudrions alors vous dire que l'État est au courant de vos demandes. Nous voulons que ce problème trouve une meilleure issue afin que chacun de vous ait un bon logement. Sachez premièrement que l'État pense à résoudre votre problème, mais vous devez appliquer tous les conseils des envoyés de l'État. Nous nous sommes convenus que assisté par vos chefs, vous devez vous séparer pour former des groupes. L'un de ceux qui habitaient dans leur propriété et l'autre des locataires. Peut-être que le locataire peut louer une autre maison s'il est assisté. Mais pour celui qui habitait dans sa propriété, l'État saura comment l'assister via le programme de lutte contre les catastrophes. L'État est donc au courant de votre problème et vous êtes demandé de bien vouloir l'appliquer les conseils de vos représentants. Pour ceux qui sont capables, n'attendez pas la solution ou la mesure du gouvernement. Si tu es à même de te chercher un autre endroit où habiter, allez-y. Comprenez qu'il n'y a pas de vie ici. Deuxièmement, ce qui vous est arrivé était vraiment dommage. Mais que cela change notre mentalité. Pensez à mener des études avant de commencer les travaux de construction. Ceux qui disent qu'ils ont entamé les constructions et qui demandent l'appui de l'État, surtout l'étole, veillez consulter d'abord les sociétés d'aménagement du territoire pour vous assurer la garantie des constructions et ne plus se heurter à de tels incidents. Le musulman burundais Edouard Ndouimana, qui était traduit en français par notre confrère Omer Ndouayo, à 13h06 sur Isanganiro. Après une courte pause, le journal continue. La radio de l'avenir. Sécurité à présent, un agent de la police est mort et un autre grièvement blessé le matin de ce lundi suite à des tirs à provenance de leur collègue avec qui il a passé ensemble la nuit et à leur poste d'attache, selon les informations recueillies sur les lieux de l'incident et confirmées par le commissaire provincial de la police à Kayanza. Selon les mêmes sources, ces agents de police se disputaient en cours de route quand ils rentraient de leur travail. Le commissaire provincial de police à Kayanza précise que le présumé auteur et cinq autres personnes qui étaient sur les lieux au moment de l'incident ont été appréhendées pour des raisons d'enquête, car cet agent de l'ordre qui a tiré ses coups de feu s'explique en disant qu'il voulait se défendre contre un groupe de 3 personnes qui les attaquaient. Et 5 ans de prison et une amende de 50 000 francs burundais. Et la sentence est prononcée à l'endroit du substitut du procureur de la République de Bubanza, Janvier Gilukwishaka. C'était ce lundi par la Cour anticorruption. L'intéressé vient d'être inculpé pour trafic d'influence et la Cour a siégé en l'absence et du prévenu et de ses avocats. Et certains habitants du quartier Boussoro de la zone Cagnoche en commune urbaine de Mouha disent qu'ils viennent de passer 9 mois sans courant électrique. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro ce lundi disent que des conséquences liées à ce manque de courant se sont déjà manifestées, et comme les vols nocturnes et autres incidents. Ces derniers demandent d'être alimenté en électricité et la direction de l'électricité au sein de la régie des eaux d'y être au courant de cette situation et promet de résoudre ce problème dans les plus brefs délais. Ezekiel Ndikumenay. Ces habitants disent qu'après la panne du courant électrique, ils ont été accusés de raccordement illégal et pour eux, c'est plutôt la régie des eaux qui devrait s'en occuper. Pour nous, la population, une fois que nous voyons l'implantation des poteaux électriques, on ne peut pas distinguer si ceux qui ont fait ces installations sont de la régie des eaux ou pas. Notre tâche est de demander de l'électricité seulement. Et si la régie des eaux confirme notre demande, nous ne pouvons pas savoir les documents exigés. Au sein de la régie des eaux, je ne crois pas qu'ils ont accepté notre demande en sachant que ces poteaux électriques ne sont pas les leurs. Je pense que c'est aux techniciens de la régie des eaux de déterminer cela pour qu'à la fin, nous n'ayons pas de problèmes. La vie, elle est difficile et il y a également rogué du banditisme poursuit cette femme. Nous avons beaucoup de problèmes. Ceux qui ont investi en achetant des compteurs sont en train d'enregistrer des pertes. Là, on ne parle pas de la sécurité. Des voleurs qui profitent de cette obscurité pour venir nous voler pendant la nuit, que ce soit dans le ménage ou dans les rues. Ceux qui vivaient de la soudure et de la commercialisation du lait sont dans une pauvreté sans égale. Vraiment, c'est trop dur pour nous. Ces habitants du quartier Boussoro demandent à la régie des eaux de trouver solution à ce problème. Nous supplions beaucoup la régie des eaux qu'elle nous donne de l'électricité pour la rentrée scolaire. S'il n'y a pas d'électricité, c'est grave pour les enfants, pour les familles, pour les enseignants. S'il n'y a pas d'électricité, un enfant ne peut pas étudier. Mais aussi, les enseignants, là aussi, ne peuvent pas préparer les leçons. Outre les mauvaises notes des élèves pour l'année scolaire écoulée, notre invité, au manque de courant électrique, ses parents disent que l'encadrement des enfants n'est pas aisé. Ezekiel Ndikumenayo, un jeune garçon de 7 ans, selon ses parents, est détenu au cachot de police et judiciaire de Gihanga depuis samedi de la semaine écoulée. Il est accusé d'avoir violé une petite fille de 4 ans, selon les responsables collinaires à Rumotomoto, en commune Gihanga. Ils ajoutent qu'au moment du crime, des échauffourées ont éclaté et la mère du présumé auteur battu a été hospitalisée. Les parents de cet enfant demandent sa libération et des sources policières indiquent que les enquêtes sont en cours pour bien connaître l'âge réel de ce garçon. Nous reviendrons sur cet élément. Sport à présent, la formation Horizon du Lac a remporté 5-0 face à Wuyengero lors du match du lancement officiel du championnat national de rugby édition 2020-2021. L'autre match qui a été joué a opposé l'Horizon et Abeille et ce dernier s'est soldé sur un score vierge de 0 partout. L'autre actualité sportive qui a marqué la semaine écoulée, c'est la finale du championnat de la 3e division de football en provenance de Bubanza. Et c'est la formation Étoile qui a été sacrée championne après avoir éliminé Arena Star sur 4-3 après que le temps réglementaire ait pris fin sur le score paritaire de 2-2. L'autre actualité sportive, et ça sera dans cette chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. 15 équipes divisées participe chaque année dans les compétitions regroupant tous les établissements universitaires du Burundi. C'est l'explication du président de la Fédération des sports universitaires, Salvatore Gashaka, fait savoir que les équipes classées premières dans ces compétitions représentent le Burundi dans les compétitions internationales des sports universitaires. Les détails dans cette chronique sportive signée Jean-Marie Vianengendakumana. Elle nous est lue par notre consoeur Marie-Claire Cazenese. Les compétitions sportives de football dans les universités sont organisées tout d'abord par les matchs préliminaires regroupés en quatre poules. Cela est dit par Salvatore Gashaka, président de la Fédération des sports universitaires au Burundi. Dans les universités, nous organisons les compétitions sportives dans pas mal de disciplines. Pour le football, les compétitions sont subdivisées en poules. Pour ce qui nous concerne, nous avons quatre poules et chaque poule est composée par quatre équipes. Ici, Salvatore Gashaka nous parle comment les universités sont subdivisées dans ces différents poules. Le pool A est composé par l'Université Espoir d'Afrique, Institut supérieur des cadres militaires, Université du Burundi, Institut supérieur de gestion des entreprises. Et pour le pool B, il s'agit de l'Université de Grand Lac, Université Institut national de santé publique, Université de Mwaro et Université polytechnique de Gitega. Pour le pool C, c'est l'Université du Lac Tanganyika, c'est l'Université de Rimière de Bujumbura, l'Université de Muyinga, l'Université Sagesse d'Afrique. Et pour le pool C, c'est l'École normale supérieure, l'Université Martin Luther King, l'Université International University, Summit University, l'Institut supérieur paramédical de Gitega. Après les éliminatoires, 8 équipes classées en quart de finale s'affrontent jusqu'à atteindre la phase finale, comme Salvatore Gashaka l'indique. Aussitôt les éliminatoires terminés, nous prenons les deux premières équipes qui vont rencontrer les deux premières équipes de l'autre poule. Le premier du pool A se rencontre avec le premier du pool C, par exemple. Le deuxième du pool A va se rencontrer alors avec le premier du pool C au niveau du croisement. Aussitôt les éliminatoires terminés, nous prenons 8 équipes qui vont entrer en quart de finale et nous cherchons aussi 4 équipes qui vont aller en demi-finale. Les deux premières équipes vont se croiser en finale. Ce président de la Fédération des sports universitaires fait savoir que les équipes championnes représentent le Burundi dans les compétitions internationales des sports universitaires. L'équipe qui est classée première, il y a des compétitions qu'on organise. Notre fédération est affiliée à la Fédération internationale. Nous participons alors à ces compétitions qui sont organisées au niveau de la Fédération de l'Afrique de l'Est ou au niveau de la Fédération africaine du sport universitaire. C'est la première équipe alors qui représente les autres équipes au niveau de ces compétitions. Dans la prochaine chronique sportive, Salvatore Gashaka expliquera les défis qui freinent le développement de football dans les universités au Burundi ainsi que les recommandations qui peuvent contribuer de faire évoluer ce sport. Marie-Claire Cazeneza et le rendez-vous est enregistré à 13h15 sur Isanganilé sur Bujumbura. Nous voici à terme, nous voici à bon port de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction Isanganilé qui m'a aidé à la réalisation. Merci à Erika Dogo de l'autre côté de la vitrine qui a assuré la mise en onde. Ce journal vous a été présenté par Aimé Richard Nyonguru. Bon après-midi à vous tous. Au revoir.